Bonjour, ici Benoît Descaries. Comment utiliser la messagerie vocale GTalk Gmail? Alors, il est possible d'envoyer un message vocal depuis GTalk à l'un de vos contacts Gmail. Pour trouver GTalk, rendez-vous sur Google. Dans le champ de recherche, entrez Google Talk ou GTalk. Vous verrez tout de suite apparaître Google Talk. Cliquez sur ce lien. Lorsque vous arrivez sur la page de téléchargement de Google Talk, assurez-vous que vous téléchargez la version anglaise de GTalk. Cette fonctionnalité n'est pour l'instant disponible que sur la version anglophone, donc version anglaise US. Vous pouvez changer la langue du logiciel que vous téléchargez dans le coin supérieur droit. Cliquez sur le triangle qui pointe vers le bas, sélectionnez English US et par la suite, au bas de la page, vous trouverez le lien pour télécharger l'application. Cliquez sur celui-ci. Maintenant, installez GTalk. Une fois que l'installation est terminée, ouvrez GTalk. Sélectionnez l'un de vos contacts et cliquez sur le bouton gauche ou droit de votre souris. Une fenêtre apparaît du côté gauche de votre application GTalk. Sélectionnez Send Voicemail. Maintenant, enregistrez votre message. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer votre message, appuyez sur Encore. Le message sera automatiquement envoyé à votre contact. Maintenant, allons sur Gmail. Votre contact ouvre Gmail. Dans l'objet de votre message vocal, votre contact trouvera Voicemail from la personne qui a envoyé le message. Maintenant, on ouvre le courriel et à l'intérieur du courriel, nous trouvons une pièce jointe MP3. Toutes les pièces jointes MP3 peuvent être ouvertes et lues directement depuis votre application Gmail. Alors, le contact appuie sur Lecture. Automatiquement, un lecteur s'affiche et votre contact peut écouter le message que vous lui avez envoyé.